Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, bienvenue au lycée professionnel, une série de Perrine Kervran réalisée par Doria Zénine et Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a des réformes qui ne passent pas et la rencontre avec une prof amère mais dévouée. Et il y a ce monde du travail en miniature que sont les LEP, peuplés de jeunes gens formidables à la lucidité parfois douloureuse qu'il faut commencer par écouter. Alors pour commencer, les personnages. Un horticulteur magicien, un vendeur de luxe, une vendeuse en reconversion, une dessinatrice dans l'âme, un joyeux gestionnaire, un mécanicien dans l'âme et une future militaire. Ensuite, le décor. Un lycée agricole à Morlaix, un lycée professionnel à côté d'Hénin-Beaumont, des cuisines professionnelles, des couloirs, des escaliers, des boîtes à outils et des ateliers. Aujourd'hui, premier épisode, on est sous la serre. Pour ce qui est de... pour ceux à qui je ne l'ai pas dit. Pour ce qui est de la commande d'aujourd'hui, donc dans cette serre, en fait, c'est pas compliqué. La culture qui va venir, c'est du poivron. On a déjà les plants de poivron. Là, ce que j'attends de vous, en fait, c'est la décompaction, puisqu'elle n'a pas été faite. À vous de nous dire quel outil vous allez utiliser. Et puis, enfouir le fumier qui a été mis par les secondes pros la dernière fois. Voilà, c'est à peu près... Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on veut utiliser aujourd'hui? Et donc, il serait l'idéal pour enfouir. Magali, tu l'as conduit, normalement. Le rotomèche. Une machine à bêcher. C'est quoi les avantages d'une machine à bêcher? Décompacter le sol. Du coup, ça va enfouir ce qui a repoussé, là. Les repousses. Et ça va préparer le sol pour les semis qui seront faits plus tard. Des lycéens au boulot. Et la différence qu'il va y avoir entre la charrue et la machine à bêcher, là, sur la structure du sol. Ouais, c'est un travail plus grossier, la terre. Oui, et sur la vie du sol. Non, ça va sur la détruire, la charrue. Ouais. Ça prend la terre, ça la retourne. Mais ça va profond dans le sol. Ouais, ça va plus profond, ça va retourner tes... En vrai, je n'ai aucune idée de ce qu'est un chisel ou un rotobèche. Je n'ai jamais conduit de tracteur et je ne sais pas reconnaître les mauvaises herbes. Alors ce jour-là, dans le lycée agricole de Sucignaux, à Morlaix, j'étais un peu Martine à la ferme. En fait, je vais dans le Léon tous les étés, depuis que je suis née. Il y a des champs partout et d'ailleurs en Bretagne, il y a des dizaines de lycées agricoles, publics et privés. Et pourtant, ce jour-là, sous la serre pédagogique, tout me semble anormalement exotique. Et je me demande pourquoi je découvre ça si tard, les lycées agricoles, mais aussi les lycées professionnels. Alors c'est peut-être lié au fait que mes parents sont journalistes, tendance médecin, que mes enfants sont en filière générale, et qu'adolescente, pour moi, le LP, le lycée professionnel, c'était une sorte de punition, une autoroute vers le chômage et la délinquance. Et c'est un peu ça le problème de l'enseignement professionnel. Il concerne un tiers des lycéens, mais on n'en parle jamais et on ne fait que fantasmer. Alors c'est pour ça que pendant un mois, on a arpenté des lycées de mécanique, chaudronnerie, coiffure, cuisine, métier du verre, gestion administration, logistique et agricole pour raconter ce lycée professionnel et savoir ce qui avait mené ces adolescents dans ces filières si mal considérées. Bah du coup, moi, je savais pas trop vers quoi j'allais me diriger. Une seule chose était sûre, c'est que je voulais travailler en fait en extérieur, dehors. Et au début, je voulais travailler avec les animaux, en fait. Et on m'a dit que c'était un peu compliqué. Et en fait, à l'époque, il fallait aller très loin pour jusqu'à Merdrignac, je crois, pour trouver. Et on m'a dirigé, du coup, vers les plantes. Et puis, comme j'aimais ça, j'aimais bien travailler en extérieur, je suis allé, en fait, dedans. Et puis, du coup, j'ai fait 3 ans en bac pro, production horticole, au lycée de l'Aune. Et donc, vous saviez que vous ne vouliez pas continuer dans la filière générale, dès le collège? Ah oui, ouais, moi, j'aime... Personnellement, moi et l'école, les trucs général, ce n'est pas tellement mon truc. Et je voulais vraiment apprendre un truc spécifique. Dans les filières générales, je pense que je ne me serais pas plu. Je n'avais peut-être pas le niveau non plus. D'ailleurs, je vous ai posé la question de qu'est-ce qui poussait au sol là? Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors ça, là, c'est une grosse touffe, là. C'est quoi? Vintage. On a déjà vu plusieurs fois, ça. C'est pas du mouron, tu vois. Ouais. Aussi, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, shit. Ensuite, ça. Je sais pas. Quand vous regardez les petites feuilles en cœur, là. Ouais. Non, je sais pas. Je... Personne ne sait, Laura. Tu vas faire plantes médicinales en poursuite d'études. Donc il faudrait que tu reconnaisses un peu les... Les quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est une adventice. Ouais, c'est une adventice, ok. Et donc c'est quoi la veste comme famille botanique? C'est pas une légumineuse? Si, ouais. Bon, c'est pour l'épreuve, hein. Pour le bac, vous aurez ça, hein. Donc la légumineuse, ça sert à quoi? Favorise l'azote dans le sol. D'accord. Et du coup, ça remplace quoi? Un fumier. Ouais. L'engrais chimique, ouais. Donc on a le John Deere aujourd'hui. On a le chisel qu'on avait déjà utilisé et la rotobèche. On y va. La machine à bêcher, ouais. Elle fait bouger un peu le John Deere, mais je sais pas ce qu'on a. Un grand garçon, faut le laisser. Ange Nicolas, quelle était la relation que vous aviez avec l'école avant le lycée? Alors, avant le lycée, j'étais pas vraiment scolaire, j'aimais pas vraiment l'école. J'avais pas vraiment envie d'y aller et les choses qui étaient enseignées étaient trop génériques, je dirais. C'était assez compliqué, j'étais pas un mauvais élève, mais j'étais pas un bon élève non plus. On va dire que j'étais plus dans la moyenne. Après, j'étais assez turbulent, assez dissipé. Et alors, comment ça s'est passé la fin de la troisième? Parce que c'est l'année donc, où on est orienté, donc soit on continue en général, soit on continue en professionnel. Comment vous avez passé cette année de troisième? Bah alors, moi, en fait, je suis allé en seconde générale dans un premier temps. Donc, j'ai fait un an dans un lycée général pour me rendre compte, en fait, à la fin de cette année-là, avec l'équipe pédagogique, que c'était pas fait pour moi, que c'était trop générique et que je. En fait, j'étais perdu, je savais pas ce que je voulais faire. En fait, je suis passé d'un établissement où il y avait. Pas mal d'élèves à problème, un établissement où voilà, les gens travaillent sans qu'on leur demande, font les devoirs à la maison. Je suis passé d'un établissement, on va dire, où il y a des gens qui, voilà, qui se laissent un peu aller, à un établissement où il fallait travailler. Donc c'était le jour et la nuit, donc c'était un peu compliqué. Et quand vous étiez en troisième, vous aviez envisagé au départ d'aller vers le lycée professionnel ou pour vous c'était évident que vous iriez en général? Du tout. Parce que au collège, si vous voulez, c'est un peu la punition d'aller en bac professionnel. C'est voilà, si tu travailles pas, tu vas aller en bac professionnel. On voit ça comme quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Vulgairement, on dit que c'est pour les cassos, quoi. Enfin, c'est ce qu'on dit quand j'avais cet âge-là. C'était la réflexion des gens. Après, c'est sûr que moi, ils voulaient plus de moi dans mon lycée, donc j'ai dû penser à autre chose. Après, voilà. Pour moi, c'était une punition, quoi. Je voulais pas y aller. Mais c'est malheureusement pas l'élève qui décide. On fait croire aux élèves en France qui sont libres et qu'ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est pas vrai parce que à l'époque, j'aurais préféré peut-être refaire une classe de seconde générale pour voir vraiment, prendre le temps, voir vraiment ce que je voulais faire. Après, c'est sûr que c'était pas une mauvaise idée d'avoir fait ce bac professionnel avec le recul, mais sur le moment, je voulais pas le faire, c'est sûr. J'ai jamais eu une discussion sérieuse et longue avec une conseillère d'orientation pour réfléchir à mon avenir et tout ça. J'en ai plus parlé avec mes parents qu'avec la conseillère d'orientation. Après, pour le choix, je l'ai fait moi-même, honnêtement. On m'a pas vraiment aidé. J'ai choisi, moi, la vente. J'avais déjà fait des petits travaux, je dirais, où il y avait du contact avec les gens et ça m'a plu. Donc, c'est un des seuls trucs que j'avais réussi à faire dans ma vie. Donc, je me suis dit que c'était la bonne idée. J'avais 9 de moyenne en troisième, donc la seule solution c'était de partir en pro. J'avais mis en premier vœu BEP comptabilité ou BEP vente. Donc j'ai été admis directement en BEP compta, malgré que j'aimais pas les chiffres. Enfin, je sais pas que j'aimais pas les chiffres, c'est que je me mettais pas au travail au niveau des chiffres. J'avais aucune motivation. Et donc après, quand je suis parti en comptabilité, là, les chiffres, c'était pour moi une passion. Même les plans comptables, je les prenais. Et qu'est-ce qu'a pensé votre famille, vos parents, quand vous avez décidé d'aller vers la comptabilité? Mon père était tout à fait d'accord, tout à fait joyeux, on va dire, quand je suis parti en compta. Ma mère, elle m'a dit, ben, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Et ils faisaient quoi, vos parents, à l'époque? Ma mère est mère au foyer et mon père est retraité. Donc mon père a travaillé dans les mines avant. Il n'a pas travaillé beaucoup de temps parce qu'il a subi un accident de travail. Il a arrêté très jeune. Il devait être content que vous ne fassiez pas un travail physique, peut-être comme lui, il avait fait. Oui, effectivement. Je m'avais dit, ouais, je ne veux pas voir mes enfants être dans une usine, trier des cartons à longueur de journée. Il voulait être fier de son fils et aussi que j'ai une bonne situation professionnelle et avoir aussi une bonne situation personnelle pour pouvoir acheter ma maison, ma voiture, etc. Donc, ils m'ont tout le temps accompagné tout au long de mes études et même encore maintenant. J'étais extrêmement mauvaise, très très mauvaise élève. Je viens d'une famille où il y a plutôt une grosse culture, beaucoup de livres, beaucoup de connaissances. Et je ne sais pas, ça devait être une forme de crise d'adolescence pour embêter mes parents, on va dire. Les professeurs se plaignaient pas de moi étant donné que j'étais très sage. Je ne faisais pas de bruit, je ne perturbais pas les cours, je n'étais pas insolente, j'étais plutôt agréable. Mais je ne travaillais pas, on me laissait tranquille et les notes étaient mauvaises et puis on me disait rien. Alors la seule fois où j'ai été vue par la conseillère d'orientation, je lui ai dit que j'aimais bien faire du dessin et elle m'a parlé de topographie. Alors je ne savais pas ce que c'était, je l'ai appris en septembre, 2 jours avant la rentrée, je crois. Manque de concentration, toujours à divertir les autres, enfin voilà, j'étais l'élève perturbatrice, sans me vanter hein, bien sûr. Je me suis toujours dit, moi j'irai jamais en général. C'était pas pour me dénigrer ou même pour... C'est vraiment parce que c'est la réalité. Moi, je me voyais pas aller en général. Mon frère, lui, était. Je savais que être de 10h ou de 8h jusqu'à 18h non-stop derrière une table à écouter un prof, c'était pas pour moi. Donc j'ai su que le pro faisait des stages. Ça nous rentrait un petit peu dans la vie active, déjà. Et donc je me suis donné ce but-là. Bon, ma mère était complètement contre, puisqu'elle voulait que je suive un petit peu mon frère, etc. Et que le général, ça nous ouvrait un petit peu plus de portes. Mais non, donc, j'ai toujours su que c'était le bac pro pour moi. De base, moi, je voulais aller en commerce. Sauf qu'au temps où j'étais au lycée, les lycées commerce, ils avaient vraiment très mauvaise réputation. C'était vraiment à éviter. C'était les gens qui fréquentaient ces lycées commerce. Voilà, c'était un petit peu le bac pro pour les gens qui n'étaient pas scolaires, peut-être. Et donc, je me suis reportée sur le bac pro ASSP. Donc, accompagnement, soins, service à la personne. C'est tout ce qui est un petit peu médico-social. Où est-ce que vous trouviez les informations, les renseignements pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme différents bac pro, comme différentes possibilités, comme différents lycées? Où est-ce que vous êtes allé vous renseigner? Alors, nulle part. C'est ma mère qui était source d'information. Donc c'est plus ma mère qui m'encourageait à faire ces démarches-là, à regarder un petit peu ce qu'ils proposaient et tout. Parce que moi vraiment, c'était dans ma crise d'adolescence, donc vraiment, j'allais, enfin, où est-ce qu'on m'emmenait, j'y allais quoi. Donc ça m'était égal quoi. Bon, je m'appelle Gabriel Ferreira, j'ai 20 ans, je suis brésilien et je suis en première année du bac pro des logistiques. Ma mère, ça fait 10 ans qu'elle habite en France. Du coup, j'ai fini mes études au Brésil. Ça fait 3 ans que je suis en France pour faire mes études aussi. J'ai passé une classe d'accueil. C'est une classe spéciale pour apprendre le français. Et après, j'avais le choix pour aller en bac pro, en CAP. Donc, j'ai choisi la formation logistique car ça me plaît beaucoup. La logistique, c'est la gestion du stock, c'est le transport, c'est le déplacement des marchandises. J'avais un prof qui s'appelle Monsieur Sir. Et au début, je voulais m'arrêter en CAP. Et du coup, je n'aimais pas les mathématiques, rien du tout. Et lui, il m'a dit, non, viens, continue, tu as le potentiel, tu peux aller en BTS, tu peux aller en bac pro. Du coup, c'est lui qui a parlé avec le directeur du lycée pour qu'il puisse me changer des classes, tout ça. Et après ce jour-là, je me suis dit, ouais, les professeurs, ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous aider, pour nous montrer qu'il faut travailler, c'est le moment de travailler, c'est le moment d'y penser à l'avenir. Et vous voulez faire quoi après comme travail? Comme travail, j'aimerais bien travailler dans la logistique, dans une entreprise de logistique, et Amazon, une entreprise comme ça. J'ai eu un gros problème quand j'ai passé mon brevet. Mon père, il est tombé malade. Et en fait, l'hôpital m'a dit que ça aurait pu être la fin. Du coup, j'ai dû rester avec lui, j'ai pas passé le brevet. Et en fait, je me suis rendu compte à la fin que ma directrice, elle ne m'avait pas inscrit au premier tour des lycées. C'est-à-dire, à la fin, je me suis retrouvée sans lycée, un peu à cause d'elle, parce qu'elle ne m'avait pas inscrite. Et du coup, moi, de base, je voulais être dans le bac pro sécurité, parce que je veux faire l'armée. Mais après, j'ai réfléchi et j'ai vu qu'il restait ce lycée. Et je me suis dit qu'en logistique, dans l'armée, ça sert toujours la logistique, ça sert un peu partout. Du coup, je me suis réfugiée ici, on va dire. Et vous avez l'impression qu'à la fin du collège, on vous a donné les éléments pour choisir, ou vous avez l'impression qu'on vous a plutôt laissé complètement... Ah non, franchement, on ne m'a pas bien expliqué, on nous a juste passé un petit catalogue, choisissez. Enfin, par exemple, là, je suis retournée à mon collège, ils m'ont demandé d'aller voir une prof pour l'expliquer, c'était quoi le bac pro logistique, parce que même mes profs du collège, ils ne savent pas c'est quoi, donc même s'il y a quelqu'un qui veut y aller, bah, ils pourront pas, ils seront incapables de leur expliquer parce qu'ils ne savent pas. Le lycée pro, il est négligé un peu. En fait, j'étais en troisième et sur ma fiche de vœux, j'ai mis plusieurs votes. Comme je voulais faire de la mécanique. Bon, ici, c'est le seul lycée où ils font de la mécanique. Mais après, on m'a parlé de la logistique, ce qui m'a semblé aussi pas mal. Et après, quand je me suis rendu compte que ce lycée, il faisait de la mécanique et de la logistique, je me suis dit, peut-être que là, je ferai de la logistique, puis après, je ferai de la mécanique. Et voilà, le temps il passe. Et ouais, la logistique, c'est bien, mais c'est l'école, c'est vraiment pas un truc de fou, quoi. Et vous saviez dès le départ, en troisième, que vous vouliez aller en filière professionnelle ou vous vouliez aller en filière générale au départ ? Disons que j'étais pas le meilleur de la classe, donc j'avais des notes un petit peu en bas de la moyenne et je pouvais pas trop accéder en général. En fait, ils m'ont menti un petit peu sur la conseillère d'orientation, etc. Mais ils m'ont dit comme quoi j'avais pas les capacités nécessaires pour aller en général. Mais là, après, quand je suis passé ici, je pouvais encore partir en général, mais en seconde. Mais je pouvais, mais après, j'ai pas voulu le faire. Donc, on m'a caché la vérité, quoi. Vous avez l'impression qu'on vous a un peu obligé à aller en pro ? Ouais, je pense, hein. Ouais. Un petit peu dégoûté, mais c'est la vie. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'élèves en difficulté, finalement, qui arrivent en bac pro, que c'est un petit peu toujours les mêmes profils ? Franchement, ouais, on retrouve plutôt le profil de la personne de cité, vous voyez, ouais. Plus la personne de cité qui vient en cours. Il veut juste être présent, mais à la fin, il ne travaille pas. En gros, c'était... Ça, je pense que ça, c'était depuis la cinquième, etc. Ils ont dû le diriger et le mener en bateau, etc. Pour qu'il juste le sorte du collège. Vous avez l'impression qu'en bac pro, c'est ce dont on veut se débarrasser ? Je pense, hein. Je peux vous poser des questions aussi ? Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Benoît Alphonse, j'ai 15 ans, je suis au lycée Camille Genadi. Ah là, je suis passionné de la mécanique, j'aime bien la carrosserie. Voilà. Et comment vous êtes arrivé au lycée Genadi ? Ah ben, j'ai des connaissances, j'ai fait un passe pro. C'est quoi un passe pro ? Un passe pro, c'est un passe en pro. Non, je rigole. on a des entretiens, on passe des entretiens avec des professeurs. On donne un petit CV, après c'est le professeur, si ça leur plaît, on a des chances qu'on rentre en lycée Camille Genadi. Donc en fait c'est comme un peu une sélection, vous devez passer des entretiens pour convaincre les gens de vous prendre, parce que c'est très demandé en fait ici. Ouais, c'est beaucoup demandé, c'est le seul lycée mécanique à Paris. Et alors comment vous avez eu cette idée de venir à Camille Genadi ? Vous étiez où avant ? J'étais à Edmond Rostand, c'était un lycée de cuisine. J'ai fait ma troisième prépa pro. Ça m'a pas plu. J'aime pas cuisiner, j'aime pas faire le ménage. Et alors pourquoi vous êtes allé là-bas si vous aimez pas cuisiner ? Parce qu'on m'avait manipulé. Ils m'ont dit que ça allait être bien pour moi alors que c'est faux. Pour que je quitte leur collège et j'arrête de les embêter. En fait, moi, je voulais juste avoir mon brevet pour en faire mes parents, mais je l'ai pas eu. Parce que c'était ça la première des choses. Après, ma deuxième chose, c'était aller en mécanique. Mais moi, ils m'ont dit si je partais en troisième prépa pro, j'allais avoir mon brevet facilement. Alors, je suis rentrée au lycée pour faire sanitaire et social. Donc, première et deuxième. Je n'ai pas obtenu, en fait, le diplôme. Il n'était pas possible de redoubler car c'est des places très limitées. Du coup, ma mère ne voulait pas que j'arrête les cours. Donc, parce que j'avais 16 ans et demi, du coup, elle m'a demandé de retrouver une autre voie. Et donc là, j'ai choisi celle de l'hôtellerie, parce que j'aime bien m'occuper en fait des personnes. Franchez votre bouteille de Campari, ça va chauffer. Ensuite, on va faire 14 kir et 6 cocktails sans alcool. Donc tu fais déjà un plateau avec 14 fruits, 14 kir. On insiste bien sur la procédure. D'accord. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue au restaurant d'application de 800 Vissonnet. À quel nom avez-vous réservé ? Pour combien de couverts ? On vérifie le nombre de couverts. Désirez-vous prendre vos les vestiaires, si vous voulez bien me suivre. Bonjour, bienvenue au restaurant d'application Henri Senet. Vous avez réservé à quel nom ? À France Culture, au nom de France Culture, je crois. Vous voulez que je prenne vos manteaux ? Ça va, on va les garder. Vous pouvez me suivre. C'était bien un cas de couvert ? Ce jour-là, à Hénin-Beaumont, en suivant cette toute jeune fille dans la salle de restaurant du gigantesque lycée professionnel Henri Senet, on était dans un lycée ordinaire, avec des jeunes qui rient, se bousculent, s'embrassent et s'interpellent. Mais la différence, c'est qu'ils sont en bleu de travail, en chaussures de sécurité, jupes noires et chemisiers blancs, perdus dans des costumes trop grands ou sanglés dans des tabliers blancs. Ils évoluent au milieu d'entrepôts, de grands hangars, de machines bruyantes et dangereuses. Ils ont des gestes précis. Ils sont fiers de ce qu'ils font, mais ils sont jeunes. Des silhouettes fluettes, un duvet discret sur des joues encore pleines, comme des enfants qui jouaient à l'usine ou à la coiffeuse, sauf que là, c'est pour de vrai. Quand je suis allée avec mon père dans ce lycée professionnel-là, ça m'a fait un petit choc émotionnel quand même, parce que je sortais d'un établissement qui était entre Palais Royal et le Louvre. On allait jouer sur les colonnes de Buren, au jardin des Tuileries, quand on terminait les cours, et là je me retrouvais au fin fond du 19e, au milieu de cité. Et le lycée était vraiment, vraiment en très, très mauvais état. On aurait dit tout, sauf un lycée, on aurait dit une espèce d'usine désaffectée, très, très vétuste des années 70 avec de la mosaïque qui se cassait la figure, des fenêtres en bois. Enfin bon, c'était. Et surtout des élèves qui, pour moi, m'avaient paru très, très agités. Alors déjà, je découvre que le lycée où je suis, c'était un lycée professionnel du bâtiment. Il y avait beaucoup de noirs et d'arabes. Il n'y avait pas beaucoup de blancs. Alors, moi, j'avais juste pas l'habitude, donc j'étais surprise en me demandant comment ça se fait qu'il n'y avait pas plus de mixité que ça. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était que des garçons partout. Il n'y avait pas de filles, j'ai cherché, et en fait, il s'est avéré qu'on était à ce moment-là, on était 5 filles dans tout l'établissement. Moi, dans mon ancien collège, on va dire, on était les pauvres dans le collège. Enfin, quand je dis les pauvres, on était plusieurs à être pauvres, mais il y avait pas mal de gens qui étaient aisés. Et là, je me retrouvais à être vraiment toute seule, à être, entre guillemets, considérée comme riche. Pourtant, ma mère est infirmière, mon père est fonctionnaire, c'était pas non plus... On n'avait pas beaucoup de prétentions, on vivait correctement, mais je ne me considérais pas comme riche. Et là, on me regardait vraiment comme quelqu'un, genre, issu d'un milieu bourgeois, intellectuel, où je parlais bien français. Donc, je sais pas, la première fois qu'on m'a traité de bourgeois, j'ai dit « Ah, ah bon, ok, d'accord, pourquoi pas ?» Je suis passé, moi, d'une classe avec des gens qui habitaient à Saint-Cloud, dans le 16e, à Boulogne... Dans des belles maisons, avec des beaux parents, des belles voitures, des belles vacances, un monde voilà totalement différent. Où, enfin, pour moi, c'est la vraie vie, quoi. On part pas en vacances, on va au centre de loisirs. Enfin, je me suis retrouvé moi avec des gens qui me ressemblaient, qui ont la même enfance que moi, avec approximativement les mêmes parents, les mêmes centres d'intérêt. Donc pour moi, c'était je me sentais vraiment plus à l'aise dans la classe de bac pro où j'étais que dans la classe de bac général où j'ai passé un an, ouais, c'est sûr. Quand vous arrivez en bac pro, vous vous dites quoi finalement ? C'est quoi le public ? Bah, des cassos. Mais j'avais l'impression d'en faire partie. Donc c'était pas embêtant. Après, c'est ce qu'on vous montre de l'extérieur en fait. Donc vous finissez par le croire. Et une fois que vous arrivez en bac professionnel, bah en fait, vous vous rendez compte que c'est pas seulement ça, qu'il y a quelque chose derrière, que si les gens ont des lacunes, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas parce que eux, ils sont dans un truc où ils s'intéressent à rien et tout ça. C'est que vous laissez les gens que entre eux. C'est normal qu'ils s'intéressent aux mêmes choses et qu'ils aient pas envie de se mélanger. Dans mon entourage, on m'a dit simplement, bah oui, t'es dans un lycée professionnel, c'est un lycée de... Enfin, l'expression que j'entendais, c'est un lycée de Google. Et je me suis dit, mais pourquoi vous dites ça ? Enfin, je me suis dit, mais mince, pourquoi j'ai pas réussi comme les autres ? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance ? Et moi, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas réussi comme eux, etc. Et c'est vrai, en BEP, on m'a proposé, on m'a dit, bah, fais une première adaptation pour rebasculer en lycée, dans un lycée général. Ben, j'ai refusé parce que j'étais bien au lycée Senet, j'ai refusé l'opportunité. Les gens, quand on leur dit, enfin, même moi, quand j'ai des amis, que je croise des amis à mes amis qui sont en général, je leur dis, je suis en pro, ils me regardent comme si, ah, t'étais conne, du coup, t'es partie en pro. Enfin, c'est vraiment ça. les gens ils sont dans un optique que général c'est mieux. Enfin, ils pensent vraiment que c'est les derniers de la classe qui vont en pro. Bon, la plupart c'est vrai, hein. Mais ils pensent pas qu'on peut décrocher plus de boulot. Enfin, ça dépend après, mais ils pensent vraiment qu'il faut être en général pour bien réussir sa vie. Est-ce que t'as entendu ma question? Si je l'ai déverrouillé. Est-ce que ton stabilisateur, il est libre? Là, il est libre? Non, puisqu'il y a une goupille. Ah oui, mais je viens de le mettre. Je viens de le mettre. Mais justement, moi, je veux qu'il soit libre. Ah oui. Parce que sinon, il peut plus aller vers l'intérieur. Ouais, ouais. Bon, je ne tirais pas droit, alors. Ouais, mais ça faisait pareil. Ah, il faut que le tracteur bouge. Si toi, tu peux pas bouger, c'est le tracteur qui va bouger. Avance un peu. Allez, oubliez celui-là. Enfin. Et l'autre, vous allez vous mettre à deux. C'est pareil, vous déverrouillez le stabilisateur. C'est pas déjà fait. La goupille, elle est où? Moi, ma première surprise, et c'était une bonne surprise, c'était le fait que j'ai pas eu de devoirs pendant 3 ans à faire à la maison. Je pense que ça, c'est un gros changement par rapport à l'enseignement général. Après, je sais que c'est pas tous les bacs pro qui ont cette chance-là de pas avoir de devoirs à faire à la maison, mais je pense que c'est bien parce que vous avez le moment où vous êtes à l'école, où vous apprenez des choses, et puis quand c'est fini, vous avez du temps libre et c'est très bien pour un élève qui a pas envie de travailler à la maison. Et les profs, est-ce que c'était une bonne surprise, une mauvaise surprise, plutôt des bons profs, plutôt des mauvais profs? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors moi, honnêtement, sur les matières techniques, c'est-à-dire la vente et tout ça, on avait des gens très bien, très professionnels, assez durs au niveau de l'enseignement, parce que c'est des gens qui avaient fait ce métier avant, c'est des gens qui savent de quoi ils vous parlent, vous avez l'impression, quand vous êtes élève, qui sont un peu durs, qui sont un peu comme des robots, qui disent n'importe quoi. Mais quand, une fois dans le monde du travail, vous vous rendez compte que, bah, en fait... c'est ça, quoi, et que ce qu'ils vous disaient, c'était vrai, quoi, que c'était des bons conseils. Après, sur l'enseignement en général, moi, sur les 3 ans où j'étais, par exemple, j'ai eu 3 profs, donc il y avait le français, l'histoire et la géographie qui étaient regroupés en une seule matière. Et on a eu des profs, ils étaient très sympas, hein, mais beaucoup trop jeunes, pas assez formés, et puis surtout, pas prêts du tout à affronter des classes d'élèves, un mi-démissionnaire, qui a envie de s'en sortir, mais qui a des lacunes tellement énormes que c'est très compliqué pour eux. Moi, j'avais des élèves dans ma classe qui voulaient réussir, mais qui n'ont pas eu leur bac à la fin des 3 ans parce qu'il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait pas de soutien. Après, c'est sûr que d'être dans une classe où il y a 25 élèves, sur les 25 élèves, il y en a 17 qui parlent, c'est sûr que c'est pas facile. Mais en termes de pédagogie, je dirais, c'est niveau collège, franchement. Ils reprennent les bases, vous avez l'impression? Même pas, c'est... Bah, en français, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir fait, par exemple, des rédactions, des choses comme ça. On a fait des trucs très... J'avais l'impression, des fois, quand j'étais en classe de français, qu'on était dans une classe d'accueil pour des gens qui venaient d'arriver en France, par exemple. Moi, j'avais cette impression-là. Même en mathématiques, c'était... ultra simple, quoi. C'est, il y en avait des calculettes, enfin, c'était limite, on nous donnait les réponses, quoi, franchement. Et ça, pour vous, c'était vexant? Je dirais pas vexant, parce que il y a des élèves qui avaient besoin de ça pour comprendre les choses. Faut faire preuve d'empathie, et c'est vrai que tout le monde, moi, j'avais les connaissances déjà, après, c'est vrai que tout le monde n'avait pas ces connaissances-là, et c'était c'est un plus après pour les autres élèves. Et surtout, c'est au niveau du bac pro pour moi, parce que vous pouvez avoir tout type d'élèves en bac pro. J'ai un prof d'économie droit. Hier, il est rentré, il nous a dit, de toute façon, vous n'aurez pas votre bac, votre BTS, n'y pensez pas, vous n'irez personne. Enfin, vous êtes tous cons, en gros. Et personne n'ira en BTS, personne n'aura décroché le BTS. Et même le bac, il n'y en a même pas beaucoup qui en auront. Enfin, c'est un peu saoulant d'avoir des profs comme ça. Et est-ce que ce lycée, il ressemblait à l'idée que vous aviez, quand vous avez décidé, vous êtes dit, voilà, en troisième, moi, je vais faire ça, aide à la personne. Est-ce que ça ressemblait à ce que vous aviez imaginé? Un petit peu, mais encore mieux, je trouve. Parce que, parce qu'au final, on m'a dit, prof, enfin, bac pro, les profs, ils vont vous délaisser, ils vont pas s'occuper de vous, ils vont pas vérifier vos devoirs. Mais n'importe quoi. Vraiment, j'avais un prof, il était hyper strict. Ça veut dire que, bah, il dressait tout le monde. Vraiment, en classe, enfin, j'ai jamais vu, moi... me voir, moi, comme ça, avec un prof autant carré, autant... ne même pas répondre face à peut-être, je sais pas, si par exemple il crie sur moi, moi normalement automatiquement je crie. Lui vraiment c'était, on pouvait pas parler. Donc non, vraiment les profs, pour moi ils étaient bien, ils étaient à l'écoute, ils étaient, on avait un suivi, enfin voilà, on était vraiment, on va dire, pas surveillés mais un petit peu. Et ce que je trouve par exemple un peu dommage, c'est que dans la filière où je suis, en production, il n'y a aucune épreuve terminale sur la reconnaissance des végétaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui a les notions en maths, anglais et français, il a son diplôme, même s'il ne connaît rien dans la filière professionnelle. Et en lettres, par exemple, ou en histoire, vous faisiez des choses qui vous intéressaient ? Le français, ouais. En fait, le français, oui, après... c'est tellement fixe, c'est tellement, je trouve que c'est du bachatage, on est figure de style, machin, enfin on fait des choses qui sont tellement, enfin c'est bien pour quelqu'un qui est écrivain ou qui fait ça, mais je vois pas en bac général, en bac pro pardon, dans ma filière à moi, j'ai pas d'intérêt pour moi, enfin à ça en fait, je pense. Et vous aviez aussi des projets, parce que parfois il y a aussi beaucoup plus de projets qui sont organisés en extérieur par les professeurs, je sais pas, avec un théâtre, avec vous avez eu des projets un peu comme ça en cours d'année? Du tout, aucun projet extrascolaire. Après moi je peux comprendre, parce que c'est quand même des classes où ils récupèrent plusieurs élèves à difficulté. Clairement, enfin moi dans ma classe, je prends l'exemple de ma classe, hein, on n'était pas sortable, pas possible. On n'aurait pas pu avec le recul, faire une sortie, prendre le métro tous ensemble, enfin, c'était juste pas imaginable, quoi. On était quasiment tous majeurs, en fait. Donc, on avait ce côté jeune adulte, enfin, on fait ce qu'on veut. Et puis voilà, franchement, si on était parti dans un musée, je pense que personne serait venu sur le chemin. Il y en aura deux, trois qui seraient barrés, quoi, enfin, du truc. Et puis, je pense que les profs n'étaient pas prêts, eux non plus, à gérer... une classe de jeunes adultes libres dans leur tête à l'extérieur de l'établissement. La vérité, madame, la plupart, ils s'en fichent du lycée. Là, en ce moment, ils ne pensent pas à l'avenir, ils pensent que la vie, c'est facile, c'est tout ça. Mais avec le temps, ils vont voir que c'est pas comme ça. Avant, quand j'étais au Brésil, quand j'ai passé mes études au Brésil, j'étais pareil. Je m'en fichais du lycée, je disais, ouais, ça ne sert à rien d'aller à l'école. Mais après que je suis venu en France... J'ai vu que ma mère, elle travaille beaucoup pour avoir d'argent, pour nous donner à manger, tout ça. Donc j'ai vu que c'est pas comme ça la vie, qu'il faut travailler, il faut avoir un diplôme pour aider ma mère, quoi. Aujourd'hui, le chef vous propose un entrée étoilée d'endives et son duo de crevettes roses et grises. En plat principal, blanquette de veau à l'ancienne avec du riz pilaf et des légumes croquants. Et pour finir, en dessert, une mousse au chocolat faite maison et des madeleines fraîches. Desserrez-vous du vin? Une bouteille d'eau? Plate ou gazeuse? Dans la filière professionnelle, effectivement, on est confronté à beaucoup de choses en termes de tenue professionnelle, en termes de projets professionnels aussi. Parfois, on avait des choses qui se passaient au lycée Senet, donc fallait être présentable, fallait être assidu aussi, notamment, je dis juste une bêtise, pendant les journées portes ouvertes. Moi, j'y participais régulièrement, donc on avait des élèves qui venaient, donc fallait être professionnel, pro, et on avait même une note de posture, de présence, etc., qui était aussi mis en avant, donc fallait aussi être professionnel à ce niveau-là. Le côté bénéfique pour moi du bac pro, c'est que bon, certes, vous êtes avec vos copains, vous rigolez toute l'année, mais il y a un mois où vous allez être en stage, avec un patron, tout seul, qui vous traite généralement comme un de ses employés. Donc là, vous avez vraiment le passage, en fait, oui, je suis un enfant, j'apprends des choses, à voilà, là, t'es là avec nous, t'es là pendant un mois, on t'a appris des choses à l'école, à toi de nous montrer ce que tu sais faire. Et ça, je pense que c'est, pour moi, le côté vraiment intéressant du bac pro. Vous avez 22 semaines de stage en 3 ans. Là, on vous montre vraiment que dans 3 ans, vous êtes au turbin, quoi, et que... prépare ça. Moi, pour évaluer Nilsson, c'est son dernier stage pour le bac. Oh, d'accord. Donc on a des compétences à évaluer sur ce qu'il sait faire, ce qu'il est capable de faire tout seul ou en autonomie partielle. Alors, est-ce qu'il est à l'aise dans le démontage, remontage, dans les... tout ce qui est vidange, entretien, les filtres, est-ce qu'il le maîtrise, est-ce qu'il le fait naturellement, est-ce que... Il maîtrise. Les vidanges, les purges, il les maîtrise. Voilà. Donc, niveau 3. Il fait les niveaux avant dans une voiture, enfin, il fait les contrôles de sécurité, il les fait. Voilà. Au niveau du temps de la réparation, est-ce qu'il est lent, est-ce qu'il... Alors, bien sûr, on met dans le cadre, on fait un apprenant, donc on ne lui demande pas d'être aussi rentable qu'un mécanicien, mais... Est-ce que ces temps de main de travail sont acceptables, est-ce qu'ils sont... Oui, c'est acceptable. Deux. Attends, on s'attache à la voiture. Est-ce qu'il prend soin de la voiture? Les protections de siège, les protections de sol. Moi, je dirais deux. Je dirais que c'est un deux général. Même les compagnons ont un peu de mal avec ce genre de pratique. Il a son bleu, ses chaussures, enfin, il respecte les règles d'hygiène. On arrive sur une note de 17,2 sur... Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur lui? Alors moi j'ai appris que Nielsen, en fin de compte, au bout de sa formation, envisage une équité. Parce que je pense que je l'aurais gardé, vu un petit peu l'historique que j'ai avec. Mais l'état d'esprit de Nielsen, c'est l'état d'esprit qu'on cherche aujourd'hui. Alors moi, cette langue de l'entreprise, j'ai été programmée pour la trouver glaçante et cynique, comme l'est parfois le monde du travail libéral qui n'a pas fini d'exploiter nos sociétés et dans ce cas précis, nos enfants. Alors en sortant de ce garage, on ne savait pas trop quoi penser. Le prof de mécanique était content de son élève, l'élève dans son bleu de travail était fier qu'on soit fier de lui, visiblement content d'être là, avec d'autres mécaniciens, à travailler pour de vrai. Bref, tout le monde était content. Mais quand même, ce petit jeune homme timide avec son sourire en coin... Moi, je l'imaginais plutôt traîner avec d'autres de son âge, hésiter et avoir le temps d'avoir le choix. À chaque année, on doit faire 8 semaines de stage. Et du coup, j'ai fait 3 semaines déjà. La journée, je suis au lycée et le soir, je travaille chez Uber Eats. Je fais des livraisons. Mais c'est tout. Et c'est pas trop fatigant, ça? Je suis habitué. En tout cas, je suis obligé. Il faut que j'aide ma mère, il faut que j'ai besoin de ça. Et les stages, ça se passe bien? Il y a des entreprises qui ne respectent pas les stagiaires. Moi, j'ai passé des stages où ils ont fait me travailler comme un employé. J'ai beaucoup travaillé. Et à la fin, j'ai pas eu des rémunérations, rien du tout. Franchement, j'étais exploité. Des fois, je faisais des trucs qu'il employait, même lui, il ne faisait pas. Nettoyer, et jeter des trucs à la poubelle, c'est pas pour nous. Au début, ils m'ont juste demandé de faire du facing, etc. C'était vraiment pas de la logistique. Et après, quand je suis parti dans les entrepôts, j'ai commencé à conduire des véhicules qui servent à transporter des marchandises. Donc on m'a laissé conduire ça, et on m'a laissé aussi conduire des véhicules utilitaires, des camions. Et au bout d'un moment, je me rendais compte que... Mais après ça, c'était à Franprix, hein, que je travaillais plus que le responsable en soi. Même celui qui me gérait, etc., je travaillais beaucoup plus que lui. Et c'était pas trop fatigant, ce rythme, tout d'un coup, de se retrouver, alors qu'on est jusque-là au collège, au lycée, dans un rythme qui est le rythme de l'école, de se retrouver comme ça dans un rythme professionnel? C'est pas fatigant? C'est pas difficile? Si. Parfois, on craque. Parfois, après, on commence à même plus venir en cours. On sèche, etc. C'est plusieurs cours. Mais ouais, même là, quand je commence à ressécher, etc., c'est pas bien, mais ouais. Chaque année, on avait 2 mois de stage en entreprise à faire. Donc c'était des stages où il fallait qu'on soit avec un topographe, ou alors avec un chef de chantier, avec n'importe quoi qui se rapproche un petit peu. Alors déjà, ces stages-là étaient très pénibles. On avait soit le froid, soit le chaud, de la poussière, des trucs lourds à porter, parce qu'en topographie, en fait, on a du matériel à porter, donc qui est assez lourd. J'ai un souvenir très physiquement inconfortable de ces mois de stage. Mais vraiment, où je me sentais fatiguée, j'avais toujours mal quelque part, il y avait toujours des trucs lourds à faire. Physiquement, c'était éprouvant. Donc, il était hors de question pour moi que je fasse un truc comme ça. En plus, je voyais bien les ouvriers dans quel état ils étaient. Ils avaient 40, 50 ans, ils avaient l'air d'en avoir 60, 65. Ils étaient abîmés, ils avaient des dents en moins, des bouts de doigts aussi coupés. On sentait que physiquement, ils étaient diminués. On faisait, nous, des stages en gériatrie. Et donc, en fait, nous, on était des aides-soignantes. c'est-à-dire sans qualification, sans rien, mais on faisait ce que les aides-soignantes faisaient. Donc voilà, ça. Moi, j'ai fait mon stage à Saint-Antoine, j'ai fait mon stage dans une maison de retraite aussi dans le 13e, et c'est pas drôle. C'était dur émotionnellement d'être en gériatrie, parce que, ben voilà, il y a les soins palliatifs, il y a les gens qui sont malades, qui ont des pathologies que nous-mêmes, on connaît pas. On peut avoir des patients avec des pathologies très graves. Donc, nous, on est un petit peu choqués de voir des gens avec des escarres, des gens alités qui ne peuvent pas bouger, qui peuvent pas manger tout seuls. Enfin, voilà, de voir des personnes dont on doit faire la toilette, ça fait peur. Surtout... on voit ça alors que nous, on sort du collège, la vie, elle est toute belle, tout rose, enfin, tu vois, c'est assez flamant rose, enfin, et au final, pas du tout. Quand on veut vraiment rentrer dans la vie active, on sait vraiment ce que ça donne. Every day, she sees her life. Oui. C'était très laborieux, je crois que j'ai eu 10,36 sur 20, un peu particulier, mais j'ai eu ce bac. Je crois que c'était en 2002. Oui, 2002, ouais. Alors vous avez fait quoi après le bac ? En fait, j'avais un rêve, c'était d'entrer à l'école des Gobelins, mais l'école des Gobelins ne prenait pas les bacs pro, donc ils m'ont dit de continuer de valider, on va dire, mon bac avec un diplôme dans l'art, dans le dessin. Donc j'ai fini par atterrir à la seule fac qui a accepté mon dossier, la fac de Saint-Denis en art plastique. J'étais très contente. Et j'ai validé, entre guillemets, mon diplôme avec un bac plus 2. Après, ils m'ont dit, mais on ne prend plus après, je crois que c'était 23 ans. Donc forcément, j'en avais 24. Donc l'école des Gobelins, c'était plus pour moi. Voilà. Donc, mais j'ai quand même réussi à avoir un diplôme universitaire. Et ça, vous étiez contente ? Ah bah oui. Ah, c'était une réussite sociale pour moi. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir remporté la quête finale, quoi, vraiment le boss de fin. J'étais ultra contente. Bon, j'étais pas aussi diplômée, on va dire, que mes frères et sœurs, mais quand même, j'avais un diplôme universitaire. J'avais réussi à faire quelque chose qu'on m'avait dit que j'arriverais jamais, puis que moi-même je me disais j'y arriverais jamais, et puis en plus avec des notes pas trop mauvaises. Je l'ai eu assez facilement, je peux m'en vanter, je peux même un petit coup de cheveux parce que j'ai eu mention assez bien, mais c'est grâce aux stages aussi, parce que les stages, donc on a des notes, vous savez, on a un petit camembert et tout, donc on a des notes, et donc les stages nous ont aidés à avoir notre bac. J'ai eu comme projet de devenir infirmière, sauf que après les stages, je me suis dit que non. Parce que c'était très dur émotionnellement, psychologiquement. Donc je me suis dit qu'en fait, ce travail n'est pas fait pour moi. Et en fait, durant mes 3 ans de lycée, j'ai passé mon BAFA. Mon BAFA, et ma mère m'a encouragée à le faire. D'ailleurs, elle a eu vraiment... Il faut écouter sa maman. Et donc, après le lycée, j'ai fait animatrice dans les écoles élémentaires. Et après, j'ai commencé dans le monde du commerce. Mais j'ai complètement oublié... le bac à SSP. Finalement, je suis revenue à mon premier projet, le commerce. Donc, je me suis dit, Janet, allez, on y va. Et donc, j'y suis rentrée et ça m'a assez plu puisqu'il y a du relation clientèle. Ça se rapproche un petit peu de la SSP parce que, c'est l'assistante à la personne, mais pas dans le même contexte, quoi. Et ça vous plaît ? Vous avez envie de continuer dans ce domaine-là, Janet Hariri-Battus ? Non, du tout. Le commerce, je pense que ça va 2 minutes. Il y a des inconvénients dans le commerce, c'est qu'on travaille le samedi, c'est qu'on travaille le dimanche, c'est qu'on termine à 20h. Enfin voilà, c'est... Après, je dis ça, j'ai que 23 ans, hein. Je suis pas encore maman, mais bon, faut se projeter. Et en étant maman, bah, moi, je me vois pas travailler dimanche ou même samedi. Ça va... Non. Enfin, non. Alors déjà, j'étais beaucoup plus vieille que les autres, puisque moi, j'ai eu mon bac à 22 ans, donc je suis arrivée à la fac à 23 ans. Les autres sortaient de l'école, avaient 17 ou 18 ans. Et surtout, je me souviens à un moment donné où il y en avait un dans ma classe qui était vraiment genre le beau gosse. Il sortait de l'école boule. Et il montrait ses dessins. Je trouvais que ses dessins n'étaient pas très, très beaux. J'ai pris une feuille et j'ai dessiné en imitant son style. Il a regardé, de dessin, il m'a regardé. Il m'a dit, mais tu viens de quelle école ? Et moi, naïvement, bah, je dis, non, moi, je n'ai pas fait d'école de dessin. J'ai un bac pro. Et là, ils se sont arrêtés, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais t'as le droit d'aller à la fac avec un bac pro? Et je me suis sentie tellement honteuse, tellement, bah, comme si j'avais rien à faire là. Et comme ils avaient atterri à Saint-Denis, en gros, ils disaient, c'est pas normal que des gens qui viennent d'un bac pro atterrissent là où nous, on devrait avoir, en gros, nos entrées, quoi. Après mon bac pro, on avait nos vœux à réfléchir, etc. Donc, c'était soit BTS comptabilité ou BTS MUC. Donc, management des unités commerciales. Donc, je suis parti en BTS comptabilité. En termes de trajet, j'avais pas le permis, j'avais pas de logement étudiant, mes parents avaient pas beaucoup de budget pour me payer une chambre étudiante. Donc, j'ai décidé de repartir sur Lens, à Béal. Mais quand je suis rentré à Béal, je me suis dit, mais où est-ce que je suis? Donc, ça m'a fait très peur, ce lycée. Je suis arrivé dans une classe, déjà, j'entendais... c'était un déluge pas possible. Donc, je me suis d'insultes, dit... D'insultes entre les étudiants, de jets de projectiles, etc. sur l'enseignant. Donc, je me suis dit, je me vois pas ici. Mais j'ai continué quand même. Malgré ça, j'ai obtenu mon BTS comptabilité avec beaucoup de stress, beaucoup de par rapport aux conditions de classe. J'ai obtenu ma licence et je suis parti en master management de projet. Le niveau était vraiment trop, trop mauvais au lycée professionnel pour pouvoir attaquer, pour pouvoir être à la hauteur à la fac. Moi, j'avais, entre guillemets, de la chance de venir d'un milieu où on parlait bien, où j'avais été dans des musées, où j'avais lu des livres, où, enfin, surtout ma mère, plutôt, m'avait mis de la culture de force dans la tête depuis petite. Donc, ça avait pu porter ses fruits. Mais sans la connaissance que ma mère m'a transmise, je n'aurais jamais pu faire quoi que ce soit à la fac. Jamais. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait après la fac ? Bah, j'ai essayé de continuer un petit peu en licence, mais en licence, c'est pareil, ça commençait à devenir un petit peu lourd. Ensuite, entre-temps, bah, j'ai eu ma fille. Ça a précipité un petit peu les choses. Donc, je travaillais parallèlement au Quick, parce que j'avais déjà commencé à travailler au Quick quand j'étais au lycée. Et j'ai fini par, après, être surveillante dans un lycée professionnel. Et maintenant, vous faites quoi ? Alors, quelque chose qui n'a vraiment, mais strictement rien à voir avec tout ce que j'ai pu faire, je travaille à la RATP. Je suis agent de station. Je vends des tickets. C'est pas les chantiers que j'ai connus. Ça n'a rien à voir. C'est pas les horaires du Quick où on était en jupe avec de l'huile chaude qui nous tombait sur les mollets. On n'est pas debout pendant plusieurs heures. On a un siège confortable. On a une clim quand il fait froid, un radiateur quand il fait chaud. Pourtant, ce sont des choses qui sont normales, mais me paraissent pour moi un luxe, justement, après avoir traversé tout ça. Après avoir fait ce bac pro-là, moi, dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui, dans mon travail, je travaille avec des gens qui ont fait des études de stylisme pendant 4 ans. Je travaille avec des gens qui ont fait du commerce international et on se retrouve à faire le même travail pour la même somme, en fait. Donc, on peut s'en sortir dans la vie sans diplôme. Ça, je pense que c'est clair. Après, c'est plus compliqué que les autres. Faut donner plus que les autres, faut travailler plus que les autres. C'est vraiment, après... ça dépend si les gens veulent faire quelque chose qui les intéresse vraiment ou s'ils veulent faire de l'argent, quoi. C'est deux choses différentes. J'ai réussi, moi, à aller là où je voulais aller. J'ai réussi à me réorienter, moi, dans le luxe. J'ai eu beaucoup de chance parce que, voilà, j'ai quelques notions d'anglais. Donc, j'ai eu franchement beaucoup de chance. Mon papa et ma maman qui m'ont payé des vacances en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et non, moi, je pense que c'est... Encore une fois, on en revient au côté social. Moi, j'ai un très bon ami à moi. J'allais en vacances dans des collèges anglais pour apprendre l'anglais. Lui, il allait à Épinay-sur-Seine alors qu'on vit à Paris. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup aidé, qui étaient là pour moi, qui étaient présents, qui avaient le temps de m'aider. Donc, je pense que c'est ce côté-là aussi, ça m'a beaucoup aidé. C'est pas que l'école qui m'a appris tout ce que j'ai appris. Quoi. En quittant ces jeunes qui travaillent à l'âge où moi j'étais à la fac, ce qui me saisit, c'est la lucidité et la maturité de ceux qui sont au boulot. Et puis aussi parfois leur joie et leur fierté d'avoir un projet, de gagner leur vie, de ne pas être dupes et de ne pas lâcher l'affaire. Je vais avoir mon diplôme, master. Je vais essayer d'avoir mon entreprise, mon garage. Et là, je deviens manager. Je fais ça pendant peut-être 4-5 ans. Ça m'aidera donc à mettre de l'argent de côté pour faire justement la formation que j'aimerais bien faire. Décoratrice d'intérieur. Là, je suis de nouveau à la recherche d'un emploi, mais en tant que consultant recrutement plutôt junior et pour pouvoir évoluer par la suite. Bah, j'aimerais bien devenir directrice d'un hôtel. Ça me plairait. J'espère bien avoir mon bac. Et après, si. Et après, peut-être, je peux aller en BTS. On sait jamais. J'aimerais bien travailler dans la logistique. Ce qui me passionne, c'est conduire les métros. Travailler la RATP. Conduire des véhicules, ouais, aussi. Conduire des chariots élévateurs. J'hésite à faire un BTS, mais dans une autre filière professionnelle, comme ça, je me dis que ça peut toujours servir, enfin que ça fait toujours un truc professionnel en plus. Et soit, bah, après, je pense rentrer dans l'armée. Bah, j'aimerais bien que pour être un futur arbitre international. Si je vois que ça se passe bien et que je suis bien, je vais poursuivre avec un BTS. Je vais m'arrêter à là et je vais aller faire moniteur d'auto-école. Ça, c'est pas mal. Transmettre le savoir-faire, etc. Ouais. Je pense que si j'avais eu le choix, moi, d'effacer quelques moments de mon cursus scolaire pour faire autre chose, je pense que oui, je l'aurais fait. Je pense que ça aurait un peu changé mon mode de vie, mon mode de fonctionnement. Et je pense qu'au niveau social, c'est très ma vie aurait été différente aujourd'hui si j'étais resté en général. Au niveau social, j'aurais eu, je pense, d'autres fréquentations, mais j'aurais une autre vie aujourd'hui. Maybe I care. Maybe you don't. Maybe I'll let go. Maybe you won't. Could there be two of us? Could there be two? Maybe I'm lonely. Maybe you're lost. Maybe I'm an echo. I may be a ghost. Could there be two of us? Could there be? Merci à Nordine Benamara, Quentin Bertou, Gabriel Ferreira, Emma Filoche, Lucille Guilly, Jeannette Ayari-Battus, Bilal Lascri, Ange Nicolas et Elisa Vericchia. Merci aussi au lycée Camille Genazzi, Henri Sénèze et Sussigno. Avec un petit coup de main de Zineb Souleymani. Prise de son Cyprien Creton, François Rivalan, Yvan Turc et Laurent Lucas. Des lycéens au boulot, un documentaire de Perrine Cabran, réalisé par Doria Zénine. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à la récré, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, un monde du travail en miniature.